Et on ne prendra pas de café avec la lune, mais bien avec Raymond Poirier, peut-être, après la chronique, puisqu'il est là pour nous parler de technologie de l'information en tant que chargé de communication à l'Institut technologie de l'information et société. Allô, Raymond. Bonjour, Tania. Et c'est un sujet aujourd'hui qu'on aborde dont tu nous as déjà parlé, mais je pense que ça va nous faire du bien de nous rafraîchir la mémoire. Tu nous parles de Big Data. Exactement. C'est un peu incontournable, il faut dire, comme thématique. On a beaucoup parlé au cours des dernières semaines de plein de moyens, de possibilités de gérer à partir des données, à partir de l'information. Et j'ai assisté également il y a quelques jours à un événement qui s'appelait la boule de cristal. En fait, c'était le 15 mai dernier à Montréal et c'était une conférence organisée par le CRIM qui s'intéressait spécifiquement justement à cette thématique du Big Data. Donc, peut-être petite revision, qu'est-ce que c'est? Oui. Essentiellement, on parle d'un grand volume de données qui sont générées. C'est généré assez rapidement, même en temps réel dans bien des cas, dans une grande variété de formats, et c'est conservé également sur une longue durée. Donc, par type de format, on peut penser à ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On peut penser à l'ensemble des courriels qui sont envoyés par jour. C'est des tonnes et des tonnes de tétraoctets. C'est énorme. On peut penser à tout ce qui circule sur le web, à tout ce qui est mis sur YouTube. Bref, à toute l'information qui est générée de manière textuelle. Et à ça, on rajoute aussi d'autres types d'informations qui sont générées via géolocalisation et le reste. Donc, il y a une masse énorme d'informations qui est générée quotidiennement. Cette masse-là reste disponible, reste existante. C'est généré de par le monde, c'est généré par les individus sur le web, c'est généré dans les entreprises, c'est généré dans les gouvernements. Et donc, la grande question, c'est de voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? De quelle manière on peut s'approprier ces informations-là et les utiliser pour quelque chose d'utile pour l'avancement de notre société? Et en même temps, ce qu'on dénote aussi beaucoup, c'est que parallèlement à la hausse de la présence du Big Data, il y a aussi de plus en plus de demandes pour des spécialistes en data mining, en analytics, donc des gens qui sont habilités à creuser cette information-là pour aller trouver des réponses. Et également, il y a de plus en plus de spécialistes des technologies qui disent, mais regardez, ça, le Big Data, c'est la clé, c'est l'or noir version 2.0. Il y a une citation d'ailleurs quelqu'un qui dit, regardez, data is the new oil, c'est le nouveau pétrole, un peu à l'image donc de l'or noir, c'est quelque chose qui en soi ne vaut pas nécessairement beaucoup, mais par contre une fois qu'il est transformé, qu'il est raffiné, là, il y a une valeur qui est inestimable. Donc les spécialistes disent, regardez, c'est la même chose pour cette information brute là. Et si on réussit pas à intégrer cette information-là dans notre prise de décision, eh ben d'autres vont le faire et d'autres vont prendre les devants dans un monde qui est de plus en plus compétitif. Et c'est des données, du contenu qui est fourni sans qu'on demande à quelqu'un de fournir du contenu. Ça se fait un peu tout seul dans nos actions quotidiennes numériques. Exactement. Ça se fait tout seul et ça se fait partout. Et donc, ce qui amène aussi d'autres gens à dire, il y a une difficulté dans le fond dans l'appropriation de ce contenu-là. On peut pas le faire n'importe comment. Donc, d'un côté, certains spécialistes, certains conférenciers qu'on a entendus à la boule de cristal disaient notamment, on vit pas dans une société de réponses. Toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut imaginer ou presque, elles sont présentes dans cette masse d'informations-là. Donc, le problème n'est pas de trouver la réponse, mais c'est de trouver la bonne question. Parce que si on se lance à bras raccourcis, sans stratégie et sans réflexion à l'intérieur de cette masse d'informations-là, eh bien, on ne trouvera rien parce qu'on ne sait pas quoi chercher. Et comme on peut tout y trouver, bien, si on n'a pas une recherche précise, bien, on ne trouvera rien. Donc, il faut avoir des bonnes questions, savoir qu'est-ce qu'on veut apprendre et ensuite se lancer à l'intérieur de ce mode d'utilisation-là. Parce que pour trouver, c'est un peu comme une sacoche, là. Il y a un peu tout là-dedans. Puis il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Et ce qui fait aussi, d'ailleurs, dans ce sens-là, il faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir comment on peut utiliser les outils technologiques pour réussir à le trouver. Donc, d'un côté, il y a des conférenciers qui nous présentaient des logiciels un peu de type logiciel libre qui peuvent permettre un certain forage, encore là, dans la mesure où on sait ce qu'on y cherche. Et parallèlement, il y a des gens, notamment du côté d'IBM, il y avait Stephen Gold, qui lui est directeur mondial de la mise en marché des solutions Watson, qui lui disait, ben, d'un autre côté, il faudra aussi, et c'est déjà en en cours de recherche, développer des outils informatiques, des ordinateurs, des super ordinateurs qui vont être en mesure aussi de bien utiliser cette masse d'informations-là. Donc, des ordinateurs capables d'apprendre et capables d'appréhender le contexte des questions qu'on lui pose. Le type d'ordinateur, et je le cite un peu là-dessus, qui, à la question « qu'est-ce que 2 plus 2 ?» ne répondra pas nécessairement 4. Donc, dans la mesure où il disait, M. Gold, si on dit qu'est-ce que 2 plus 2, eh bien, c'est 4, c'est un contexte, c'est la question mathématique. Mais par contre, il peut avoir un contexte qui amène à d'autres types de réflexions. Est-ce que c'est un contexte plus philosophique? Est-ce que c'est un contexte d'affaires? Est-ce que... Donc, qu'est-ce qui entoure la question qu'on pose? Et donc, c'est un peu la spécificité de Watson, justement, ce super ordinateur qu'IBM a développé, dont on a déjà parlé ici, qui, lui, est en mesure d'évaluer la probabilité des réponses qu'il va aller chercher dans les données qui sont à sa disposition. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu un système apprenant au bout du compte, donc qui est capable d'analyser à partir du contexte et d'évaluer la probabilité des réponses et ensuite de ne pas donner une réponse simple, mais de donner plutôt un éventail de possibilités avec une évaluation en pourcentage sur la véracité de chacune des solutions. Donc, c'est le type de système qui seront peut-être nécessaires justement pour bien réussir à explorer cet univers-là et réussir donc à structurer ces données-là au bout du compte, parce que c'est aussi la difficulté. On a une série d'informations qui sont données sans format fixe, sans format viable, les informations dont certaines aussi sont utiles, d'autres sont inutiles. Et dans ce sens-là, même pour d'autres conférenciers, la solution n'est pas nécessairement non plus entièrement la machine. Il y en a un, j'essaie de retrouver son nom, en fait, c'était... Donc, de Darwin Écosystème, Thierry Hubert, qui disait, ben, il y a l'idée du chaos qui est à l'intérieur de ça. C'est pour ça que je parlais de sacoche tout à l'heure, là. Tu sais, c'est pas classé, nécessairement. Et la machine, comme on a vu, peut trouver, peut ordonner, peut comprendre un peu l'intérieur du chaos de cette sacoche-là. Mais par contre, lui dit, c'est bien beau la machine, mais encore faut-il qu'elle soit contrôlée et gérée par l'humain pour apporter une dimension additionnelle qui va permettre de bien trier l'utile de l'inutile à l'intérieur de ce chaos-là. Et donc, oui, des outils informatique, oui, des approches logicielles, mais oui aussi et surtout pour des gens qui vont être en mesure de contrôler et de gérer ces éléments-là et de s'approprier ces données-là. Et là, je tombe un peu dans une théorie New Age, mais j'ai trouvé la formule intéressante et ça donne une bonne image. C'est Aleister Crowell, qui est analyste principal chez BitCurrent, qui a amené ça et qui dit, dans le fond, la clé, c'est pas nécessairement d'y aller avec le oui ou le non, mais c'est d'y aller avec le pot. Qui est un peu la troisième réponse. En fait, il dit, de toute question, il y a oui, non et pot qu'on peut répondre. Pot pour possible. OK. Donc, lui disait, regardez, quand les gens disent oui, les gens qui sont prédisposés à dire oui, c'est des gens qui sont prédisposés à faire des actes de foi, à accepter, à croire sur parole, qui croient facilement, qui sont très créatifs, qui envisagent plein de possibilités de scénarios, mais qui n'ont pas nécessairement un grand besoin de faits scientifiques avérés pour accepter une hypothèse. Parallèlement, ceux qui sont prédisposés à répondre non, c'est justement ceux qui recherchent avec une avidité presque l'effet scientifique avéré qui, dès qu'une hypothèse va être présentée, ben la réponse initiale, ça va être non. Tant que c'est pas prouvé scientifiquement, tant que les faits sont pas là. Et donc, c'est évidemment deux extrêmes côté personnalité. Et le pot, c'est un peu l'union de ces personnalités-là. Parce que lui dit, d'un côté, il faut avoir effectivement des faits scientifiques pour être capable de canaliser positivement sa créativité. Et de développer des solutions, exemple en affaires qui se tiennent. Mais parallèlement, si on n'est pas créatif, eh ben on sera pas en mesure non plus de faire des actes de foi qui vont donner l'étincelle justement aux recherches et aux idées pour développer quelque chose qui est réellement nouveau, être en mesure d'innover. Et donc, dans les questions qu'on pose par rapport au big data, dans l'utilisation qu'on fait du big data, évidemment, faut avoir justement ce caractère créatif, mais doublé d'une volonté d'aller chercher justement le maximum de cette information, d'aller tirer le maximum de cette information-là pour avérer un peu l'hypothèse qu'on avait au départ. Donc, il y a les éléments possibles à... il reste seulement à les mettre en lien ou en interaction pour avoir la solution, par exemple. Exactement. Et ensuite, pour pouvoir appliquer tout ça, on l'a vu avec la ville intelligente au fil des dernières semaines dans cette chronique-ci, ça peut avoir des incidences ensuite sur les transports, sur la prise de décision en finance, en gouvernement, en entreprise, plein d'incidences positives. Évidemment, avec ça aussi, quand on parle de big data, de pluie d'informations, il y a aussi toutes les questions face à la vie privée qui méritent d'être soulevées. J'allais t'en parler. C'est un peu incontournable. Et cette fois-ci, j'ai trouvé bien intéressant. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui était là pour y réfléchir, qui n'a pas nécessairement apporté de réponse, mais qui a apporté plusieurs questions. C'est Charles Nourrit, qui est président directeur général de My ID is Certified, qui, lui, disait qu'il y avait l'impression qu'on se lançait peut-être un peu rapidement là-dedans, sans vraiment analyser l'état des lieux au niveau technologique, pour une véritable anonymisation de cette information-là. Et ça, dans deux temps. En fait, dans un premier temps, c'est l'information qui est générée, exemple, dans la sphère publique. Donc, on anonymise les informations, ce qui fait qu'on s'organise pour que on ne retrouve pas les noms, les adresses, etc., que ce soit simplement une pure statistique, un élément qui ne sera pas associé à un individu, mais simplement bon, un chiffre au bout du compte. Mais par contre, la technologie fait qu'il y a des appareils qui sont en mesure de dé-anonymiser ces informations-là, donc de retrouver l'identité. D'où ça vient. Oui. D'où ça vient. Et il n'y a pas encore nécessairement, selon M. Nourrit, de logiciel assez puissant pour anonymiser de manière définitive les données. Donc, il y a toujours, pour des grands spécialistes, des moyens d'aller rechercher cette non-anonymisation-là. Et dans un deuxième temps, et c'est là peut-être l'élément le plus insidieux, c'est que si on garde ces données publiques anonymes-là, reste qu'il y a des croisements qu'on peut faire avec les informations qu'on met sur Twitter, avec les informations qu'on met sur Facebook, avec ce qui circule et ce qu'on laisse librement sur la toile sans réfléchir, qu'on peut croiser avec d'autres éléments statistiques et le reste, mais on peut quand même arriver à un certain degré de précision, pas nécessairement à des individus précis, mais à des zones géographiques quand même relativement précises et de plus en plus précises, on l'imagine, avec le développement des technologies d'analyse. Et donc, qui vont permettre aussi de recréer l'individu à partir de la trace qu'il laisse sur la toile et également d'influencer positivement ou négativement certains éléments de prise de décision, exemple pour des compagnies d'assurance ou autres, qui vont pouvoir analyser à partir d'une certaine profession, d'un certain lieu géographique, d'un certain type d'utilisation pour pouvoir déterminer le prix d'une assurance, par exemple, mais dans une perspective extrêmement précise. Donc, c'est un exemple, puis il pourra en avoir beaucoup d'autres, mais il y a ces préoccupations-là. Et donc, ce que M. Nourrit disait, au bout du compte, c'est oui, il faut y aller avec le big data parce que si on prend pas le train, d'autres vont le prendre. Ouais. Mais en même temps, il faut y aller avec sécurité, avec caution, avec une réflexion sous-jacente pour pas y aller n'importe comment. Donc, pour bien appréhender cette sphère-là, pour que ça se fasse, au bout du compte, au service des citoyens et des entreprises et pas au détriment de ceux-ci. Alors, c'est un sujet dont on reparlera certainement quand on aura peut-être trouvé comment classer ou comment s'en servir correctement, comme tu viens de le mentionner. Et si les gens veulent trouver le résumé peut-être un peu plus détaillé des conférences auxquelles j'ai assisté à la boule de cristal, l'ensemble est sur le site de l'ITIS, itis.laval.ca. C'est en page d'accueil. Alors, vous avez vraiment un texte de quelques pages là, qui détaille un peu plus là, les perspectives que j'ai lancées ce soir. Et on peut réentendre aussi les chroniques que tu fais à chaque semaine dans Charge de disque et te réentendre dire des anonymations. Désanonymisations. Voilà, correctement, pendant la chronique et dans un excellent contexte. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et à la semaine prochaine. Je rappelle aux gens que tu es chargé de communication à l'Institut technologie de l'information et société.